Chapitre 7e, Ovation. Il serait difficile de dire quel effet foudroyant produisit à Naples la nouvelle que le chevalier Nello avait enfin trouvé son vainqueur. Comment ce spadassin, cet invincible, ce terrible qui tenait la ville sous son épée, comment Nello avait un maître coup d'épée dans le ventre et qu'il avait ainsi porté à terre un tout jeune homme? Plus de 100 familles à Naples avaient Nello en horreur, ayant subi de lui des affronts. Lorsque le cocher qui apportait une lettre d'Armand à M. Le Noël eut raconté les détails de ce duel, le bruit en fut répandu dans un instant. Du marché aux poissons, il courut au marché des légumes et dans tous les quartiers. Les domestiques se hâtèrent d'informer leur maître. Naples descendit dans la rue. On vit ce jour-là ce que l'on voit bien rarement dans une ville italienne, les femmes les plus aristocratiques faisant mander leurs amants en toute hâte, monter en voiture avant 9 heures du matin. Les équipages sillonnaient les rues. Nombre de jeunes gens louaient des voitures. Un plus grand nombre de piétons sortaient de Naples. Tout ce monde se dirigeait vers l'albergo du signor Culomerlo. On eût dit d'un pèlerinage. La route se couvrait de gens qui s'avançaient joyeusement en procession. En tête, bien avant tous, M. Le Noël était arrivé, accompagnant Fernande. Armande fut mandée. « Soyons durs pour lui, » dit M. Le Noël, en prenant un air digne et sévère. « Oui, » dit Fernande, d'une voix étouffée. Et quand il parut, elle sauta bas et courut l'embrasser en pleurant. « Oh, les femmes, » dit M. Le Noël, « elles m'avaient pourtant bien promis. » Armand vint à lui. « Monsieur, » commença M. Le Noël, « monsieur, je dois vous exprimer. Mon cher enfant, vous comprenez bien, n'est-ce pas ?» Et comme l'émotion l'étouffait, il embrassa lui aussi Armand qui riait. Ainsi se termina la longue mercuriale que l'on devait adresser à l'enfant prodigue. Armand eût bien voulu s'en retourner avec M. Le Noël, mais il ne pouvait planter là ses deux témoins au milieu d'un déjeuner. « Dans une heure, je serai à l'hôtel. »« Nous vous attendons, » dit Fernande. Comme le cocher se lançait sur la route, la tête de la procession apparut. « Que de monde ! » fit M. Le Noël, et il demanda au cocher. « Est-ce que d'habitude, à Naples, on se promène ainsi tous les matins ?»« Jamais, Excellence. Qu'y a-t-il donc aujourd'hui ?»« Mais, Excellence, il y a le duel. Votre neveu est l'idole de Naples. » « Je pourrais dire à l'avenir mon copain de neveu, » fit M. Le Noël à mi-voix, en clignant de l'œil à Fernande. Mais celle-ci semblait préoccupée. « Mon cher oncle, regardez donc. »« Je vois bien, » fit M. Le Noël. « C'est scandaleux, » dit Fernande. « Hein ? Vous dites, Fernande, je dis que c'est honteux. »« Je ne comprends plus. »« Mais, mon oncle, ces équipages sont remplis de dames, et il est révoltant de voir des dames qui paraissent bien élevées s'afficher ainsi. »« Ah, vous êtes jalouse, Fernande, » dit M. Le Noël. « Non, certes, je suis scandalisé, voilà tout. » Monsieur le Noël sourit, sachant à quoi s'en tenir. Mais les dispositions de Fernande changèrent vite. Elle cessa de s'indigner lorsque des équipages, les dames lui envoyèrent les plus gracieux saluts, les plus charmants sourires. Les cavaliers ôtaient respectueusement leurs chapeaux. Les gens du peuple, qui survinrent bientôt, montrant plus d'enthousiasme encore, poussèrent des vivats, mais avec une certaine discrétion. Ils auraient craint d'embarrasser Fernande, par des démonstrations trop vives. La jeune fille traversa de la sorte au pas du cheval les rangs de plus en plus pressés de la foule, et elle recueillit les hommages touchants de l'admiration d'une ville éprise de sa beauté. En rentrant à l'hôtel, elle vit le trottoir, la rue même, le vestibule, l'escalier jonché de fleurs. « Sac à papier, » dit M. Le Noël, « c'est comme le jour de la fête Dieu. » Fernande n'aurait jamais cru que rien de pareil pût lui arriver. « Oh, » dit-elle, « les Napolitains me traitent comme si j'étais la Madone, et c'est à Armand que je dois ces honneurs. »« Aussi à vous, » dit M. Le Noël, « vous êtes divinement belle ce matin. » En ce moment, deux personnes se rencontraient sur l'escalier avec M. Le Noël et Fernande. C'étaient les deux artistes qui avaient assisté au duel. Ils saluèrent sans affectation. Une fois, au bas de l'escalier, le sculpteur poussa le coup de paysagiste. « Eh bien, » demanda-t-il, l'autre répondit. « Tu avais raison. » Elle est au-dessus de tout ce que j'imaginais. Ils sortirent. À peine étaient-ils dehors qu'ils furent suivis par un mendiant obstiné. L'homme tendait la main. Il semblait murmurer une prière. Le sculpteur le repoussait en paraissant lui dire des injures, comme on fait un importun qui vous assomme de ses quémanderies. Or, voici ce que disait le sculpteur. Que tout soit prêt pour ce soir et que chaque soir on renouvelle les mêmes préparatifs. Ai-je bien compris, disait le mendiant, 4 hommes à l'auberge de Culomerlo à partir de la tombée de la nuit, 2 chevaux dans les écuries, des relais d'heure en heure. et 4 autres hommes. « Au premier relais, » fit le sculpteur. « C'est entendu. » Le sculpteur reprit. « Que tout soit bien en ordre là-bas. Il faut des vivres pour un mois. C'est comme si cela y était. » Sur ce, le sculpteur envoya une rude bourrade au faux mendiant qui se mit à accabler le brutal d'invective. La comédie fut très bien jouée. Les deux artistes se promenèrent pendant quelque temps, puis ils revinrent à l'hôtel. Ils trouvèrent Monsieur le Noël dans le salon. Le bonhomme avait compris que Fernande, après les émotions de la matinée, aimerait à être seul. Il l'avait laissé dans sa chambre, à ses rêveries. Au salon, Monsieur le Noël était entouré. On le questionnait sur les détails du duel. Il les ignorait. Les deux artistes saluèrent le bonhomme, et le sculpteur se mêla à la conversation. « Si vous voulez le permettre, ayant assisté au combat, je vous dirai ce qui s'est passé. Hier, le hasard nous fit souper avec votre neveu, et nous sûmes ainsi qu'il devait se battre. Nous nous intéressons beaucoup à lui. Ce matin, nous avons loué la terrasse Coulo Merlot et nous avons tout vu. » Sur ce, le sculpteur s'empara littéralement de Monsieur le Noël, et ils causèrent tant et si bien qu'ils devinrent les meilleurs amis du monde. Depuis ce moment, Monsieur le Noël fut dominé, fasciné par les deux artistes qui flattèrent toutes ses manies. Le bonhomme aimait jouer aux échecs, les jeunes gens firent avec lui deux parties brillantes. Il causa pêche, le paysagiste, qui paraissait très fort sur ce sujet, lui proposa de harponner des thons. Enfin, Monsieur le Noël fut enchanté de ses nouvelles connaissances, et quand le déjeuner sonna, vers 11h30, le bonhomme présenta les deux artistes à Fernande, qui descendait pour prendre place à la table d'hôte. « Armand, dit Monsieur le Noël, n'est pas encore revenu. Voici, ma chère enfant, deux voyageurs avec lesquels il a soupé hier et qui ont vu l'affaire ce matin. Ces messieurs vous donneront de curieux détails. » Fernande fit bon accueil aux deux étrangers. Vers le milieu du repas, grand bruit dans la rue. « Voici Armand qui revient sans doute, dit Monsieur le Noël, en courant la fenêtre. » C'était en effet Armand qui rentrait au milieu des applaudissements enthousiastes. Lorsque Garibaldi fit son entrée à Naples, il n'eut pas plus de viva. Les Lazzaroni raffolaient si bien de leur nouvelle idole qu'on en voyait, après des trépignements insensés, rouler épileptique sur le sol. La voiture d'Armand était remplie de bouquets. Elle était portée par la multitude. Les équipages avaient dû céder devant la poussée des piétons. Le peuple s'était emparé d'Armand qui descendit au milieu de cris assourdissants. Il fallut fermer la porte de l'hôtel pour contenir la foule qui eut envahi la maison et Armand fut obligé de se montrer plusieurs fois à la fenêtre pour saluer le peuple. Enfin, vers 1h, la foule s'écoula peu à peu et Naples reprit sa physionomie habituelle, mais comme l'avait prédit Belgioso, les bouquets et les sonnets ne cessèrent de s'amonceler sous le vestibule de l'hôtel. Après le déjeuner, Armand, très fatigué, se coucha. Fernande avait, même à Paris, l'habitude de la sieste. Elle se retira dans sa chambre. Monsieur le Noël, qui ne dormait jamais dans le jour, retomba aux mains des deux artistes. Ceux-ci lui proposèrent d'aller au café et Monsieur le Noël accepta.